La vie, c'est une folie si jolie. Et puis, c'est des envies, un pari. Chérie, la vie est un fruit à cueillir. Ami, n'oublie pas de lire notre livre. Non, c'est faux, tout ici n'est que misère. Et je ne vois guère de lumière. Non, amour, même ton sourire est sourd. Le velours de tes doigts, trop lourd.